la vie est un combat. Maman avait raison. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliation, c'est tribulation, funeste équation. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliation, c'est tribulation, funeste équation. Mon père avait raison, la vie est un combat. Ma maman avait raison, il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Mon père avait raison, la vie est un combat. Ma maman avait raison, il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tapons et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans rendent la vie amère. Les guet-apens et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans sauver les enfants. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Protège ta vie sexuelle.